Et là, y'a rien là. Et là, y'a rien. Une soirée d'automne, un peu monotone. Je marchais dans la rue, l'air un peu convenu. Quand soudain mes doigts, surpris par le froid, se recroquevillèrent et se réfugièrent au fond de mes poches. On est bien à l'aise, ces petites sacoches dans lesquelles on reste. La vie est moins moche, les mains dans les poches. J'ai mes doigts qui glissent, qui déballent mes cuisses. Pour aller trouver un peu de chaleur, c'est un pur bonheur se promener dans la ville. La seule manière d'une démarche paisible, quand je rencontre quelqu'un qui suit la comptine, c'est d'une étrange approche, les mains dans les poches. Ce n'est pas très pratique pour se serrer la main, alors on se fait la bise, c'est bien plus malin. J'étais obligé de m'acheter un sac afin d'y ranger tout mon bric-à-brac. Car quand je me balade, c'est plus fort que moi. J'ai beau les retenir, elles y vont tout droit, les mains dans les poches. On y est bien à l'aise, même les plus moches et en trouvent remède. Car on a l'air moins cloche, les mains dans les poches. Ces petites ouvertures te donnent de l'allure. Prends garde à ne pas courir à la chambarde, car si tu chavires, les mains dans les poches, on a bien chauffé. Si on se casse la figure, de se casser le nez, ce serait dommage, car c'est quelque chose que d'avoir les mains dans les poches. Ça va. 1, 2, 3, 4.